Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone, et nous allons maintenant plonger dans notre cerveau, voir comment il nous joue des tours à travers les biais cognitifs. Et pour nous en parler, je suis en compagnie d'Anthony Bertrand-Grenier. Il est docteur en physique médicale, mais comme ce doctorat ne lui suffisait pas, il a entrepris un deuxième doctorat en épistémologie et il a écrit récemment un livre intitulé Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique, un livre paru récemment aux presses du Méridien. Bonjour Anthony. Bonjour Valérie. Alors, il y a tout un chapitre de ton livre qui est consacré aux biais cognitifs. Il y en a beaucoup, des biais cognitifs, mais d'abord, c'est quoi un biais cognitif? Un biais cognitif, c'est un raccourci que notre cerveau prend pour prendre une décision. Donc, très rapidement pour vulgariser, les biais cognitifs, eh bien, ils modifient nos perceptions ou notre jugement. En une phrase, ce serait ça. Ça a pas l'air très pratique alors, parce que d'avoir notre perception, notre jugement perturbé, et pourtant on tombe tous dans le piège des biais cognitifs. Ça a l'air d'être une stratégie courante en fait de notre cerveau de nous jouer des tours. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Eh bien, supposément que c'est forgé par l'évolution. L'être humain a été, ben, je ne veux pas dire créé, mais a évolué de façon à ce qu'on ait des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, ce n'est pas toujours négatif. Ce n'est pas pour rien que dans l'évolution, on a eu ça. Je vais vous donner l'exemple du biais de simple exposition ou effet de simple exposition. Ben, plus on est exposé à quelque chose, plus on va y faire confiance. C'est quand on est bébé et on voit des visages humains, nos parents, ben, on voit des visages humains, on fait confiance aux humains. Donc, on se sent plus en sécurité. Alors, les biais, ce n'est pas nécessairement négatif. Par contre, ça peut avoir un effet négatif. Je vous donne un exemple sur le même effet de simple exposition. Si on voit une publicité pour un restaurant, pour dire venez à notre restaurant, la première publicité, on ira peut-être pas, mais après la septième, ça se peut qu'on y aille alors qu'on n'a jamais nécessairement vérifié quoi que ce soit, mais plus on est exposé à quelque chose, plus on va lui faire confiance. C'est pour ça que, par exemple, un régime politique totalitaire qui fait de la propagande, au début, ça fonctionne pas, mais après 4-5 ans, les gens, ils se posent pas nécessairement de questions à savoir si c'est vrai ou non. Ou même un autre exemple, un enfant qui se fait dire que Dieu existe à tous les jours, bien, il va pas nécessairement se remettre en question après 10, 15 ou 20 ans. Il va penser que c'est vrai automatiquement et c'est normal. C'est l'effet de simple exposition. C'est un biais cognitif. C'est un biais cognitif. Alors, on va en présenter quelques-uns de tous ces biais cognitifs en commençant par un biais quand même dont on entend parler quelquefois, hein, le fameux biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est que Oui, ce biais de confirmation? le biais de confirmation, c'est privilégier les informations qui confirment nos idées ou accorder moins de poids aux informations qui infirment nos idées. Donc, admettons, je ne sais pas si je suis pro un parti politique, peu importe. Toutes les informations qui sont en faveur de ce parti politique-là, je vais les croire d'emblée et je ne vais pas nécessairement aller vérifier si c'est correct ou pas. Je vais dire oui, ça a du bon sens. Et toutes les choses qui sont en défaveur du parti politique que moi je prône, ben, je vais dire, oh non, il faut réinterpréter, c'est pas nécessairement bon ce qu'il dit, c'est faux. Donc, on va vraiment faire en sorte qu'on veut garder nos pensées et confirmer vraiment ce qu'on pense. Alors qu'en fait, si la vérité nous intéressait vraiment, il faudrait suivre les preuves, peu importe le sens des preuves. Mais ce que ça fait, c'est que, par exemple, même un médecin qui voit déjà un rapport d'une certaine maladie pour un patient, et là, il va demander au patient s'il a bel et bien les mêmes symptômes de la maladie, il va confirmer déjà le diagnostic qu'on lui a proposé. Alors qu'en fait, il aurait fallu qu'il pose la question au patient d'abord, quels sont vos symptômes, et qu'il lui-même vérifie, est-ce qu'il y a d'autres maladies qui pourraient coller à ces symptômes-là, par exemple. Oui. Ah oui, donc là, il y a une influence là, parce il y a déjà un diagnostic des symptômes qui sont établis. Donc, au lieu de Exact. repartir l'analyse à neuf, là, on est influencé par ce qui est. Et en fait, on perd Absolument. confirmation. Ah oui, d'accord. Et en fait, avec ça veut dire aussi qu'on va aller. Avec ce biais de confirmation, on va peut-être avoir tendance à aller chercher des informations qui confortent aussi Tout nos à fait. idées. J'ajouterais d'ailleurs, il y a le biais qui s'appelle le cherry picking, c'est aller chercher les données qui confirment ce que l'on pense. Donc, c'est un biais de confirmation, si on peut, mais à l'extrême, si on pourrait dire. Ouais. Donc, admettons, si moi je crois que l'homéopathie fonctionne, Peu importe, même s'il y a 10 000 études sur l'homéopathie, je vais aller chercher l'étude qui confirme que l'homéopathie fonctionne alors que l'homéopathie ne fonctionne pas. Ou admettons, si je crois qu'on n'a jamais été sur la Lune, les Américains n'ont pas été sur la Lune dans les années 60, ben là, je vais dire, ah, je vais aller chercher le site web qui dit qu'on n'a jamais été sur la Lune alors que c'est juste un blog d'une personne qui ne connaît pas vraiment l'astrophysique et l'astronomie, là. Donc, le cherry picking, c'est aller chercher les informations qui confirment ce qu'on pense. Et Gérald Bronner avait Gérald Bronner, qui est mentionné. un sociologue français, Oui, qui exact. travaille sur ces, sur la crédulité, justement. Absolument. Il a fait le théorème de la crédulité informationnelle. C'est-à-dire, plus il y a d'informations disponibles dans l'espace public, plus la probabilité de trouver quelqu'un qui pense comme nous est élevée. Et avec Internet, c'est C'est totalement sûr qu'on fou. va trouver quelque chose. C'est sûr qu'on va trouver quelque chose. Donc, si, admettons, quelqu'un croit aux licornes ou aux sirènes, bon, là, il parle à sa famille, ses amis, il n'y a personne qui y croit, mais là, il voit sur Internet qu'il y a des milliers de personnes qui y croient, donc là, il va être content. Mais c'est normal que parmi les milliards de personnes, il doit y avoir des gens qui pensent un petit peu comme nous, même si au final, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est vrai. Donc, il faut faire attention, là. C'est pour ça que des biais, ça peut nous déjouer. C'est ça. Et là, en fait, il faudrait avoir, je ne sais pas si on peut appeler ça, le courage intérieur d'aller voir à côté de nos idées, là, à côté de nos propres idées, Oui. pour voir, et puis avoir le courage de mettre tout ça en balance et faire un jugement critique. Et là, c'est pas facile. Je vais donner un petit exemple d'un biais cognitif qui est quand même assez simple, que tout le monde va comprendre, c'est les coûts irrécupérables. Ça, c'est poursuivre une initiative dont les coûts dépassent les bénéfices, étant donné qu'on a investi du temps, des efforts ou de l'argent dans le projet. Donc, admettons, si on peut se forcer nous-mêmes à continuer sur un projet qui va tomber à l'eau parce qu'on a investi beaucoup de temps. On peut garder un objet qu'on n'utilise pas, étant donné qu'on l'a payé cher. On peut rester dans une relation qui nous rend malheureux parce qu'on ne veut pas recommencer à zéro. On peut garder un emploi ennuyeux parce que ça fait des années qu'on y travaille. Un autre que j'aime bien, c'est on peut continuer d'écouter un film inintéressant, étant donné qu'on en a écouté une bonne partie, et le biais est encore plus fort au cinéma parce qu'on va se dire, ah, j'ai payé mon billet, je reste. Mais en fait, la solution rationnelle, c'est le film n'est pas intéressant, ça fait 30-40 minutes que je suis là, je me lève et je m'en vais, même si j'ai payé mon billet. Je vais Donc, prendre un café oui, en c'est ça, attendant. exactement. Je vais prendre un café, je vais faire autre chose. Je vais me faire plus plaisir. Ouais, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le biais du statu quo aussi qui nous fait rester dans nos Oui, idées ou c'est. qui nous ancre dans des habitudes? Oui, le statu quo, c'est dans le fond, ça nous donne. On a une grande résistance au changement, si je pourrais dire. Ça fait que la nouveauté, c'est pas nécessairement qu'on y a peur, mais on aime bien garder comme on était là. Si, admettons, on a un chemin pour aller au dépanneur, ben on aurait peut-être un autre chemin qui serait plus rapide, mais on connaît déjà le chemin initial. Donc, on va garder nos habitudes et on va rester dans l'endroit qui nous conforte, si je pourrais dire. Et le statu quo fait en sorte que peu importe ce qui se passe dans nos vies, si jamais il y a une nouveauté, ben c'est pas impossible qu'on veuille garder notre. Ben, qu'on reste au statu quo, finalement, ce qu'on veuille pas changer nécessairement. Et donc, ça fait que, ben, malheureusement, des fois, il y a des gens qui ont des grandes initiatives, il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, je préfère comme c'est là, je ne veux pas changer, alors que ce serait vraiment positif de changer, ce serait plus efficace, plus performant, peu importe la situation. Alors, il y a plusieurs biais comme ça qui tendent à nous enfermer dans une idée ou, disons, dans certaines façons de penser. Est-ce que le biais d'attention sélective en fait partie aussi? Oui, le biais d'attention sélective, c'est lorsque on essaie de focaliser sur une chose. Lorsqu'on focalise sur une chose, ben, on oublie la vue d'ensemble. Il y avait une petite étude qui avait été faite très rapide, c'est il fallait regarder un petit vidéo de gens qui se faisaient des passes avec un ballon, et fallait compter le nombre de fois que l'équipe blanche se faisait avec les t-shirts blancs faisait une passe avec un ballon. Et plus de 37 %, je pense, des gens n'avaient pas remarqué que quelqu'un était habillé en gorille et a passé en plein milieu de la vidéo. Donc, Ah ça fait oui. que, oui, et ça, c'était. Il y avait aussi des publicités pour des gens qui, lorsqu'on est en voiture, de mieux faire attention au vélo. C'est-à-dire que, des fois, quand on va focaliser sur une chose, il faut faire attention pour être bien regarder sur les côtés, si je pourrais dire. Donc, ça, c'est le biais d'attention sélectif. C'est comme ça que les prestidigitateurs nous trompent notre cerveau Tout aussi, à fait. Oui, un magicien hein. il nous force à regarder à une place et il fait un tour à une autre place et là, oh, on s'est fait flouer. Bon. Voilà. Exactement. Dans la même veine, il y a des idées qu'on va adopter, mais c'est plus par effet de mode ou par conformisme aussi. Oui, il y a le biais du conformisme et l'effet de mode, effectivement. Dans le fond, c'est tendance à penser et agir comme les autres le font. T'sais, si, admettons, toute ma famille croit quelque chose, ben, je peux y croire alors que je ne sais même pas si c'est vrai ou pas. Il y avait eu une étude qui avait été faite pour un prétendu test de vision. Et je pense que c'était une dizaine de participants, là, on me corrigera, là, mais parmi les 10 participants, il y en a 9 qui étaient des complices et il y en a un que c'était, par exemple, nous. Et il fallait vérifier si c'était des petites barres verticales. Quelles barres verticales sont à égale distance et si sont à la égale hauteur? Et les 9 autres complices allaient donner une mauvaise réponse. Et là, le vrai sujet, par exemple, nous, il fallait voir. Eux, les chercheurs, étaient intéressés à savoir qu'est-ce que nous, on aurait donné comme réponse. Et plus du tiers des gens suivaient la majorité, Ah ouais. même s'ils avaient tort, même s'ils voyaient que Ah c'était faux ouais. ce qu'ils C'est disaient. fou, hein? Oui, C'est c'est totalement fort. fou. Il y a une autre étude qui avait été faite il y a à peu près 5 ans, c'est un pointeur laser. On avait mis les gens dans le noir. Et là, est-ce que vous voyez le pointeur laser? Il y en a 9, par exemple, qui disent oui. Et là, vous ne l'avez pas vu, vous allez dire oui, j'ai vu le pointeur laser, alors que le pointeur laser n'a Y en a jamais pas. été là. Donc, on veut se conformer, on veut faire partie du groupe, si je peux dire. Et Ouais. c'est pas l'effet de mode, c'est par exemple, si d'autres gens vont consommer quelque chose ou un bien ou un service, ben nous aussi, on va pouvoir utiliser le bien ou un service. Puis ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être même, on a tous applaudi à la fin d'un discours ou d'un spectacle pour suivre la majorité. Mais est-ce qu'on voulait vraiment applaudir? Ben, on suit la majorité, c'est inné, c'est en nous, c'est comme une Ah ben. pression sociale qui nous force, disons, à adopter le même comportement que les autres. Mais si, admettons, nous, on ne sait pas quoi faire, ben, on va prendre le choix de la majorité. Tout Ouais, il y a peut-être simplement. aussi un effet évolutif là-dedans qu'on avait intérêt à s'intégrer au groupe pour notre survie aussi, peut-être. Oui, tout à fait, tout à fait, absolument. Si C'est on suit la comme. majorité, on va survivre, sinon on ne survit pas. Donc, Voilà. aussi bien suivre la majorité. C'est quand même assez fascinant, ces biais cognitifs. Et puis, alors, il y en a plein, hein, des biais cognitifs, hein, Anthony, dans Oui, il ton y en a des livre. centaines, là, C'est donc ça, on les exactement. fera pas tous aujourd'hui. Non, on va parler de quelques biais cognitifs aussi qui faussent notre interprétation des nombres. Oui. Donc, par exemple, il y a la négligence de la taille de l'échantillon. Je pense qu'on peut comprendre assez facilement. Oui, c'est pas considérer la fréquence de base de l'occurrence d'un événement. Bon, là, ça a l'air un petit peu Ouais. scientifique, là. Mais par exemple, il y a des gens qui vont à Lourdes, c'est une ville en France, pour guérir d'une maladie, aller voir la Vierge Marie. Et dans le fond, il y a des gens qui ont été, par exemple, quelqu'un qui a une tuberculose, dit, j'ai été voir la Vierge Marie et elle a guéri de ma tuberculose. Et effectivement, la personne n'a plus sa tuberculose, par exemple. Donc là, la personne va en conclure que c'est un miracle. Mais en fait, il faut regarder combien de personnes ont vraiment été voir la Vierge Marie pour guérir. Puis là, on se rend compte qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui ont été, puis il y en a à peine quelques dizaines qui ont guéri. Et oui, notre corps essaie de se défendre. Là. Je tiens à vous dire, même si vous avez un cancer de type 4, et même si vous ne faites pas de la médecine, ben, allez en médecine quand même, mais votre corps essaie quand même de se défendre. Donc, c'est la négligence de la taille de l'échantillon. Il faut regarder tout l'échantillon qui a été fait, tous les gens qui ont été, et non seulement voir le cherry picking, et non seulement Ouais. sélectionner la personne qui a Ouais. guéri, si on peut dire, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. J'irais aussi, je parlerais du biais du survivant, Ouais, parce qui est que juste. l'effet inverse. On regarde pas tous ceux qui sont allés voir la Vierge Oui, c'est qui ça. n'ont pas guéri. En fait, les deux vont souvent ensemble parce que le biais du survivant, c'est on voit seulement les gens qui sont survivants. Si, admettons, on croise quelqu'un à l'épicerie qui nous dit qu'il a utilisé le pouvoir des cristaux pour guérir son cancer, mais on croise un survivant. Il y en a peut-être 10 000 qui ont utilisé ça et il y en a juste un qui a réussi et c'est la personne qu'on croise. Les 9 999 autres, ils peuvent pas nous dire que les cristaux ne fonctionnent pas, justement parce qu'ils sont décédés. Donc, on ne croise que les survivants. Quand on appelle InfoSanté, j'avais vu des infirmières qui mentionnaient, ah, oh, tous ceux qui appellent InfoSanté vont à l'hôpital. Mais les infirmières travaillent à l'hôpital. Donc, ils ne voient que les gens qui appellent InfoSanté. et qui vont à l'hôpital. Ils ne voient pas les gens qui appellent InfoSanté et qui ne vont pas à l'hôpital. C'est Donc, vrai. on voit que des survivants, si on peut dire. Il y a plein d'erreurs qui ont été faites, même dans des recherches par des chercheurs. Il y a eu le chat parachute. on s'est rendu compte, ben, ça fait quelques décennies, là, mais on remarquait que les chats qui tombaient, par exemple, du quatrième, cinquième ou sixième étage se blessaient moins que ceux qui tombaient du troisième étage. Donc là, il y a comme une hypothèse qui a été faite par que les chats, au-dessus d'un certain étage, ils font parachute et ils sont capables de mieux retomber sur leurs pattes. Mais en fait, c'est un biais du survivant parce qu'un chat qui tombe du septième étage, il a des bonnes chances de mourir, donc on ne l'amène pas chez le vétérinaire. Donc il ne fera juste pas partie des statistiques. Ah. Donc, c'est des chercheurs, ils ont fait l'erreur du biais du survivant et c'est normal qu'on fait des erreurs comme ça. Il y en a plein, je peux en nommer énormément, là. Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre du recul, hein. C'est pas Oui, tout à fait, tout à fait. évident. Ouais. Alors, il y en a d'autres des biais cognitifs qui faussent notre interprétation des nombres que tu décris dans ton livre, Anthony. Donc, ils sont peut-être un peu plus compliqués à comprendre, mais je suis sûre que tu vas réussir. Par exemple, le biais de la régression vers la moyenne. Oui, Qu'est-ce que c'est? celle-là, j'avoue qu'il n'est pas évident, là. C'est ne pas considérer les fluctuations d'un processus aléatoire. Donc, admettons que un sportif spécialisé en saut à longueur, ben, il réussit à battre son propre record. Ben, la régression vers la moyenne, tout ce que ça veut dire, c'est que le sportif, il fera pas nécessairement un aussi bon score la fois suivante. Il va se rapprocher vers sa moyenne. T'sais, faites un exemple vous-même. Si vous faites une course du 100 mètres à tous les jours pendant 50 jours, ben, il y a des journées que vous allez faire un très bon score, puis il y a des journées que vous allez faire un moins bon score. C'est normal, ça arrive, parce que ça dépend de votre santé, de votre forme physique, de ce que vous avez mangé le matin, est-ce que vous avez mal. Il y a plein de choses, mais c'est la même chose pour les sportifs. Donc, ça va arriver qu'il y a des magazines qui mettent en lumière la performance d'un sportif lors d'un tournoi quelconque, et après, ils vont dire, ah, oh, après le tournoi, il a gagné le tournoi, mais les tournois suivants, il n'était pas bon. Ben, en fait, c'est qu'il a très bien performé à cette fin de semaine-là, mais il s'est rapproché vers sa moyenne, vers les jours qui ont suivi, disons. C'est ça, ouais. Donc, ce que ça fait, c'est que même au niveau des chercheurs, un chercheur qui mesure la tension artérielle parmi un groupe de volontaires et qui veut tester un médicament pour baisser la tension artérielle, par exemple, ben, il peut sélectionner les gens qui ont une haute tension artérielle, il va leur donner le médicament et là, il se rend compte que la majorité ont baissé de tension artérielle. Il dit, ah, le médicament fonctionne. Alors que ça ne veut pas dire que le médicament fonctionne parce qu'il a justement sélectionné ceux qui avaient une haute tension artérielle. Donc, c'est sûr que une bonne partie d'entre eux, si on remesure la pression quelques heures plus tard, il y a des bonnes chances qu'elle allait baisser sans le médicament. C'est Ah. la même chose. Par exemple, j'avais vu quelque chose, c'était un produit pour des gens dépressifs. Si vous utilisez notre produit, après quelques mois, vous allez être mieux. Mais en fait, ça va arriver que des gens qui peuvent être très dépressifs, ben, quelques mois plus tard, ils peuvent se sentir mieux quand même sans avoir pris un produit. Bon, là, évidemment, si quelqu'un est dépressif, c'est mieux de prendre de l'aide, là. Mais c'est la régression vers la moyenne, c'est le cas pour n'importe quel test aléatoire. Admettre un autre exemple. Dans un groupe d'élèves, on fait passer un test de quotient intellectuel. Et quelques semaines plus tard, on fait passer un second test aux élèves. Ben, il y a des bonnes chances que ceux qui ont fait un bas score au premier test, ils vont faire un meilleur score au deuxième. Et inversement, ceux qui ont fait un très haut score au premier test, il y a des chances qu'ils fassent un moins bon score au deuxième. Pas nécessairement très, très mauvais, mais un petit peu moins. Donc, ça fait que si jamais on récompense quelqu'un qui s'est amélioré, et qu'on punit quelqu'un qui s'est détérioré, ben, il faut penser à Ah. cette régression vers la moyenne. Il ne faut pas faire seulement deux essais. Il faudrait faire, par exemple, une vingtaine d'essais, et ce, sur 2 ou 3 ans, pour vérifier que la moyenne de la personne a vraiment augmenté, si je peux dire. Ouais, c'est vraiment pas évident. Alors, il y en a d'autres, on pourrait parler aussi, par exemple, du biais de la proportionnalité quantitative, mais on va Oui. peut-être passer dessus parce que le temps passe. Puis, comme je disais, là, il y a pas mal de biais cognitifs. Il y en a 36 que tu décris dans ton livre. Je crois que tu m'as dit qu'il y en avait 200 et quelques qui existaient. Mais Oui, à peu alors, près, oui. la question que je me pose, moi, vu tous ces biais cognitifs qui nous trompent, qui trompent notre cerveau. Comment on fait pour en prendre conscience? Et est-ce qu'il faut d'ailleurs, est-ce qu'il faut en prendre conscience? Et comment on fait pour en prendre conscience? Eh bien, justement, en fait, la meilleure façon, c'est de les connaître, mais même en les connaissant, on ne peut pas éviter totalement nos biais cognitifs, mais l'important, c'est de bien les connaître pour mieux les déjouer. Donc, si on prend conscience qu'on a des biais, ben, on va être plus en mesure de pouvoir les déjouer. Parce que là, si, admettons, je vous parle justement du biais du survivant, de la négligence dans l'échantillon, mais ben, c'est pas impossible que plus tard, vous faites « Ah oui, c'est vrai! » Par exemple, quelqu'un a partagé sur les réseaux sociaux qu'il y avait une tache d'huile en forme de dragon. Puis il a dit « Ah, c'est incroyable! » Là, vous allez faire « Ah, c'est peut-être la négligence dans la taille de l'échantillon, parce que combien que de taches d'huile qui se fait dans le monde? » Ben là, c'est cette personne-là qui a justement sorti cette... disons, cette photo-là, mais c'est une négligence à la taille de l'échantillon. Un autre exemple, c'est, j'avais vu, début des années 2000, c'était une toast qui avait un visage, tu sais, une toast, un pain grillé, qui avait un visage dessus, et la personne a vendu ça 28 000 $ sur eBay, US, tellement, il pensait que la personne qui l'a acheté pensait que c'est la Vierge Marie, mais en fait, il faut penser combien de toasts qu'on fait par année. Dans le monde, il y en a des milliards, donc nécessairement, les chances qu'il y en ait une que lorsqu'elle est un petit peu grillée, un petit peu noire, elle ressemble à un visage, ben c'est beaucoup plus élevé. Donc, c'est encore la négligence de la taille d'échantillon. Donc, on peut bien les connaître pour justement mieux les déjouer. C'est ça. Après, les connaître, reconnaître les situations dans lesquelles ils peuvent se produire et là, penser à cette situation, dire, ah, attention, petit drapeau. Exactement. Dans mon livre, d'ailleurs, je donne des conseils pour chacun des biais, pour être en mesure de mieux les jouer chacun. Mais essentiellement, la meilleure façon, c'est de les reconnaître pour être en mesure de mieux les déjouer. Et puis en fait, il y a beaucoup d'autres choses aussi hein, dans ton livre. C'est quand même un livre qui fait un peu plus de 500 pages. Donc, bon, Oui. il y a aussi beaucoup d'autres choses aussi pour nous guider Oui. à faire le tri un petit peu entre toutes les informations qu'on reçoit et faire le tri entre le vrai et du faux. Oui, Alors, j'ajouterais juste une petite chose. Les biais cognitifs aussi, ça fait en sorte qu'on peut se faire manipuler. Et il y a même, je parle également de certaines techniques de manipulation dans mon livre. voilà. Donc, nécessairement, si on veut moins se faire manipuler, il faut mieux les connaître. Exactement, les astuces de persuasion, les techniques de persuasion. Technique de persuasion, Voilà. exactement. Donc, c'est vraiment plein de choses à découvrir dans ton livre. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler dans une autre entrevue Avec ultérieurement. plaisir. Alors, merci beaucoup, Anthony. Merci, Valérie. Donc, je rappelle que nous étions en compagnie d'Anthony Bertrand, qui est docteur en physique médicale et entreprend également un deuxième doctorat en épistémologie. Et il nous parlait de son livre, des biais cognitifs, un chapitre de son livre, Le guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique. Ainsi se termine Futur Simple pour aujourd'hui, mais c'est maintenant l'heure de vous laisser écouter en aparté avec Calypso le Moine sur CKRL 89.1. Savoir tout sur l'amour depuis toujours. Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà, bout de femme comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même notre éclat depuis toi. Le ciel s'est ouvert par endroits. ça change.